Je te resterai dans tes yeux, je vois des étoiles. Ton sourire a du voile. Nos cœurs battent à l'unisson sans jamais faire de concessions. Je te resterai malgré les tempêtes, nos défauts, nos qualités, nos quêtes. L'amour vrai, c'est accepté. Je te resterai pour l'éternité. Parfois, tu es mon soleil. Parfois, l'ombre qui m'émerveille. Nos disputes, les éclats de rire, l'ironie de nos désirs. Je te resterai malgré les tempêtes, nos défauts, nos qualités, nos quêtes. L'amour vrai, c'est accepté. Je resterai pour l'éternité. Quand tu pleures, je suis ton abri. Quand tu ris, je suis ravi. Nos chemins parfois se croisent sans jamais perdre la cause. Je te resterai malgré les tempêtes, nos défauts, nos qualités, nos quêtes. L'amour vrai, c'est accepté. Je te resterai pour l'éternité. Tes défauts sont des trésors cachés, mes erreurs, des leçons à aimer. L'ironie de nos vies mêlées, un amour sans fin, sans délai. Je te resterai malgré les tempêtes, nos défauts, nos qualités, nos quêtes. L'amour vrai, c'est accepté. Je resterai pour l'éternité. Dans tes bras, je trouve la paix. Dans tes mots, la vérité. Nos âmes liées par le destin, sans jamais craindre le lendemain. Je te resterai malgré les tempêtes, nos défauts, nos qualités, nos quêtes. L'amour vrai, c'est accepté. Je te resterai pour l'éternité. Quand tu doutes, je suis ta force. Quand tu faiblis, je suis l'écorce. Nos vies, un poème en prose, sans jamais perdre la cause. Je te resterai malgré les tempêtes, nos défauts, nos qualités, nos quêtes. L'amour vrai, c'est accepté. Je resterai pour l'éternité. Main dans la main, nous avancerons. Nos cœurs, une seule chanson. L'amour, un voyage sans fin, sans jamais craindre le destin. Je te resterai malgré les tempêtes, nos défauts, nos qualités, nos quêtes. L'amour vrai, c'est accepté. Je te resterai pour l'éternité.